Chapitre 2e. Tâche de bien te tenir, de ne pas ennuyer la bonne jeune dame, disait la joueuse d'orgue, en laissant dans l'atelier de Mademoiselle Dallien la fillette qui avait envoyé par la croisée le petit papier signé Camille. La recommandation semblait paradoxale, adressée par la vulgaire personne à cette fine créature, qui, dans sa sveltesse et sa grâce enfantine, offrait une véritable distinction. La petite, cependant, écouta d'un air soumis, palote et sérieuse, sans doute à cause du mystère que roulait sa tête puérile. Je lui mis sa jupe rouge et sa chemisette à parements. Comme ça, elle a l'air d'une Andalouse avec son tambourin, continua la femme, qui avait ramassé ce terme d'Andalouse dans on ne sait quelle romance. Elle ajouta, « C'est que voyez-vous, madame, je ne veux pas que mes filles soient des mendiantes. Elles dansent, elles ont un costume, c'est un spectacle. Elles amusent les passants, pour plus du sou qu'ils nous jettent. Allez, plus tard, elles entreront au théâtre. » « Sans doute, madame, » répondait Francine avec son charmant sourire, plus courtois encore aux pauvres gens. « Cet enfant est gentil. Je vais vite me mettre à la peindre pour profiter de la belle lumière. » Elle eut à peine à couper court aux histoires. Cependant, la joueuse d'orgue finit par s'en aller. Il fallut écouter encore, venue de la cour, tous les airs de son instrument, dont elle régala généreusement le voisinage. Puis on entendit grincer les roues du petit chariot qui s'éloignait. La jeune artiste et son modèle restèrent face à face, vraiment seuls. Mademoiselle Dallien posa le fuseau que, sans conviction, elle promenait sur une toile blanche. « Viens ici, » dit-elle à la fillette, en s'asseyant sur le divan. La petite se campa devant elle, et la laissa regarder au fond de ses yeux clairs, sans timidité, sans effronterie. « Tu t'appelles Camille ?»« Oui, madame. »« C'est toi qui m'as écrit ce papier ?»« Oui. »« Comment connais-tu ce Marcel Sauvanet ?»« J'ai entendu parler de lui. »« Cela se peut, il est célèbre, » observa Francine, comme à elle-même. « Il est célèbre ?» répéta la petite pauvrette en ouvrant des yeux ingénus. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ?»« Tu ne sais donc pas que c'est un grand peintre ?»« Un grand peintre ?» D'où venait la joie évidente, le flot rosé qui, tout à coup, illumina le teint, les yeux de cet enfant, la rendit vraiment jolie. Francine ne s'arrêta pas à observer. Se troublant de sa propre question, elle demanda « Qui t'a fait croire que je le connais ?» Camille retira de sa poche un morceau de papier froissé. « Un jour, dit-elle, vous nous avez jeté 2 sous enveloppés là-dedans. » Mademoiselle Dallien regarda, tourna le papier dans divers sens, regarda encore. Enfin, les circonstances se débrouillèrent, s'ajustèrent en son esprit comme les découpures d'un jeu de patience qui, d'un seul coup, s'emboîte quand l'une a trouvé sa place. Elle jeta une légère exclamation. Ce fragment appartenait à une ancienne lettre écrite par Marcel Sauvanet du temps qui lui donnait des leçons de peinture. Parfois, Mademoiselle Dallien retirait ses lettres du coffret où elle les tenait enfermées. Elle les relisait. Elle ressuscitait les impressions d'une époque de vie sentimentale qu'elle ne retrouverait plus, qui lui semblait lointaine, un peu incompréhensible déjà, mais si douce. Un moment à part de son cœur et de sa destinée. Un moment qu'elle regrettait, qu'elle ne voulait pas perdre entièrement, et qu'elle arriverait à ne plus même concevoir si elle cessait de l'évoquer. Cela mourrait en elle. Et quand ce serait mort, quand l'oubli, l'insensibilité viendrait, son cher roman serait bien clos. Aussi, elle se rattachait aux souvenirs, aux traces, aux images, à tout ce qui, jadis, lui avait causé d'inappréciables émotions, et elle se restituait ainsi l'ombre de ces émotions-là. C'est pourquoi elle relisait les lettres de Marcel. Un après-midi, les ayant toutes éparses sur son bureau, ayant rêvé si longtemps qu'elle n'avait plus bien conscience de l'immédiat, elle avait déchiré l'une de ses lettres pour envelopper l'aumône qu'attendaient ses pauvres amis. L'orgue avait joué longtemps, s'en allait. Francine avait eu un geste machinal, précipité, un rappel, par la fenêtre ouverte à la hâte, des tristes fillettes et de la femme qui disparaissait déçue. Les lettres ensuite rassemblées, rangées, elle ne s'était pas visée d'en avoir déchiré une. Plus tard, s'en apercevant, elle s'était perdue en vaine recherche sur la cause du bizarre accident. Aujourd'hui, le débris de papier entre les doigts, elle s'expliquait. « Ah ! » s'écria-t-elle, palpitante. « Je vois. » Tu as lu cette signature, Marcel Sauvanet. Tu as remarqué les termes particulièrement affectueux de cette fin de lettre. Tu as conclu que M. Sauvanet est de mes amis. Il l'a été. Je lui garde un très grand dévouement. et s'il est menacé, tu as bien fait de t'adresser à moi. Cependant, je ne pourrai agir directement car je ne vois plus M. Sobanet. La lettre dont voici la dernière demi-page date de 7 ans. Enfin, voyons, de quoi s'agit-il? Que peux-tu avoir à me dire? Une hésitation de l'enfant, plutôt par l'embarras des mots devant une belle dame. Tu as voulu me parler en cachette, reprit Francine. Donc tu crains quelque chose de ta mère? Madame Philémon n'est pas ma mère, dit la petite. Elle s'appelle Madame Philémon. C'est le père qu'on appelle le père Philémon, alors elle aussi. Elle a donc un mari, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des programmes, les jours de course. Et les autres jours? Camille eut un sourire ironique, un geste vague. Les autres jours, il fréquente les cabarets, hein? Supposa Francine. C'est lui, reprit Camille, qui a eu l'idée d'ennuyer M. Sobanet, parce qu'il a vu le papier. Quel papier? Celui que vous nous avez jeté, avec les sous dedans? Ce papier-ci? Demanda Francine, montrant le débris chiffonné. Oui. Mais en quoi peut-on se servir? L'écriture est la même que sur des lettres qu'ils ont comme ça. Des lettres que maman Nounou leur a données quand je suis parti avec eux, en leur disant que ça ferait peut-être leur fortune un jour. Elles sont aussi signées Marcel. Marcel Sobanet? Non, Marcel tout court. C'est ce petit bout de papier où est le nom de famille qui leur a fait dire. Mais c'est le Marcel que nous cherchons, le Marcel de Camille. Et un soir, le père Philémon est rentré moins paf que de coutume en criant « Ça y est, c'est un type Rupin, il a tout plein de galettes, on le fera cracher. » Francine sentait son cœur se gonfler dans sa poitrine et quelque chose de froid mouillait ses tempes sous la lourde volute de ses cheveux. Elle questionna. « Pourquoi disent-ils le Marcel de Camille ?»« Ils prétendent que c'est mon papa, mon vrai papa, » murmura l'enfant. « Ils le prétendent ? Est-ce possible ? Et toi, est-ce que tu le crois ?»« Oui. » Le « oui » de cette petite pauvresse en oripeau rouge parut à Francine Dalia la plus émouvante parole qu'il fut possible d'entendre. La syllabe se détacha si simplement des lèvres délicates, palottes, assurément innocentes. Il s'accompagna d'un si limpide regard bleu où brillait une fermeté singulière, accompagnée d'une immense résignation. « Qu'est-ce qui te rend sûr que M. Sobanet est ton papa ?»« Oh, madame, si vous voyez l'écriture des lettres qu'il écrivait à ma vraie maman, à côté de ce morceau de papier, elle désignait le fragment qui tremblait au doigt de Francine. Le petit nom Marcel, c'est comme calqué. Puis j'avais déjà 6 ans quand maman est partie, qu'elle m'a dit adieu chez Nounou. Elle avait le temps de me raconter. Quoi donc, des choses? Le mystère impénétrable de l'enfant se referma sur ce mot. Elle est partie, ta maman? Pour où? Pour jouer la comédie avec une troupe. Elle reviendra? Non. Le théâtre où elle jouait a brûlé. Elle est morte. C'est pour ça que Nounou n'a plus reçu d'argent. Nounou était pauvre, très pauvre. Elle nous a laissé partir pour gagner notre vie avec les Philémon. Toi et ta petite sœur? Oui. Quel âge a-t-elle, ta sœur? 7 ans. Francine ouvrit brusquement les doigts. Le papier glissa par terre. Il venait de la brûler, ce papier qui datait de 7 ans aussi, de l'année même où Marcel Sobanet fut un moment son fiancé. Mais tu as dû le voir autrefois, ton papa? « Jamais. Il ne sait pas que je suis au monde, à ce qu'on m'a dit. »« Comment? Et la naissance de ta petite sœur ?» Camille comprit la question, ingénue encore, mais avertie. Avec la tranquillité d'une victime de l'existence, qui ne peut pas ignorer comment est faite cette existence dont elle souffre, elle expliqua. « Ma petite sœur n'a pas le même papa. Elle n'a pas de papa du tout, elle. »« Oh !» Lentement, Mademoiselle Dalien se baissa et reprit le fragment de lettre. « Eh bien, » prononça-t-elle froidement, « je dois te dire, mon enfant, que tu t'es trompé en t'adressant à moi pour que je te mette en rapport avec M. Sobanet. Puisque les gens avec qui tu vis doivent faire valoir tes soi-disant droits auprès de ce monsieur, laisse-les agir. Ils ont l'air de gaillards capables de tirer de l'aventure tout ce qu'on peut en tirer, pour toi comme pour eux-mêmes. « Mais, » s'écria la fillette, « c'est pour les empêcher de faire du mal à M. Sobanet que j'ai voulu vous avertir. « Bon, du mal. » riposta Francine avec quelque amertume. « Ils ne peuvent pas lui en faire. Ils lui demanderont de l'argent. Marcel en a maintenant. Il en gagne beaucoup. Qu'importe. » Quand elle dit ainsi Marcel tout court, Camille la regarda. Les yeux bleus de l'enfant s'approfondirent. Francine aussi regarda Camille. Il y eut un silence, pendant lequel Mademoiselle Dalien fit tout à coup apparaître ce qu'elle n'avait pas distingué jusque-là. une ressemblance très marquée entre le peintre célèbre et la petite danseuse des rues. « C'est bien le moins, murmura-t-elle, qu'il fasse quelque chose pour toi. »« Je ne veux pas, » fit Camille en secouant la tête. « Tu ne veux pas ? » s'exclama l'artiste, stupéfaite. « Non. Pourquoi ? » « Parce que... » Les plus beaux et les pires mouvements de l'enfance sont des raisons de cette valeur. Plus tard, nous analysons. Nos actes ne sont pas moins la résultante de 1000 causes obscures, mais nous démêlons quelques-unes de ces causes. Après, d'ailleurs, que l'acte est accompli ou devenu fatal, jamais avant. Ce travail de notre intelligence expliquant notre volonté ne peut être tenté par un enfant. Toutefois, dans l'impulsion de la petite mendiante, il devait y avoir un peu de confusion, une honte instinctive, car elle baissa la tête, malgré la fierté de sa réponse. L'examen de conscience dont elle était incapable tenta l'intérêt surexcité de Mademoiselle Dalien, qui essaya de l'y aider. Francine posa 100 questions à cette petite créature, dont l'attitude imprévue bouleversait son jugement et touchait singulièrement son cœur. À force de se pencher sur la sauvage âme puérile, elle crut y entrevoir le sentiment qui dominait, une tendresse apitoyée pour la mère morte, la maman misérable et frivole, qui jouait sur des théâtres d'ordre infime et que Camille avait dû voir pleurer entre des châssis de décor, ou bien chez la nounou campagnarde où la mince gabotine amenait ses enfants de hasard, que cependant elle n'abandonnait pas. La malheureuse, finalement disparue dans une catastrophe dont nul dévouement n'avait tenté de la sauver. Camille évoquait son souvenir avec des délicatesses instinctives et d'involontaire cynisme. Elle ne distinguait pas très nettement la limite du bien et du mal. « Ainsi, conclut Francine, tu es venue à moi, pour que je mette en garde M. Sauvanet contre ceux que tu nommes aujourd'hui tes parents. Je les nomme comme ça devant le monde, c'est mieux pour notre métier. Sont-ils bons pour toi et pour ta petite sœur ? Pas méchants. Mais, à supposer, ce qui n'est pas sûr, que je prévienne M. Sauvanet, à quoi cela servira-t-il ? À lui faire savoir qu'il doit dire non. Je dirai non aussi, alors ils ne pourront rien. » Mais M. Sauvanet serait peut-être content de découvrir qu'il a une petite fille comme toi. Camille hocha la tête d'un air de doute. Il t'enlèverait au Philémon, qui t'exploite, qui se sert de toi pour mendier. Je ne veux pas les quitter. Tu tiens à rester avec ces gens-là ? Oui. Pourquoi ? Parce que. Telle fut encore la réponse de Camille. Alors si tu pouvais avoir ton vrai papa, un grand peintre, un monsieur riche, tu ne voudrais pas ? Non. Devant l'incrédule étonnement de Mademoiselle Dalien, la fillette dégagea enfin d'elle-même le motif secret, qu'elle ne dissimulait pas, mais que simplement elle n'avait pas pu exprimer. « C'est que voyez-vous, si j'avais un papa, ma petite sœur n'en aurait pas un, elle. » Puis, dans le silence qui suivit, la pensée enfantine se saisit mieux elle-même, s'éclaira. Camille dit encore. « Maman souffrirait, là où elle est, si je quittais ma petite sœur, qui n'a que moi. Et puis, ma petite sœur était ta maman. » Elle n'est pas, Monsieur Sauvanet. Et alors ? Alors ? De nouveau, les mystères de la vie redoutable se démesurèrent, s'obscurcirent. Et alors ? Je ne sais pas. Mais je ne veux pas, je ne veux pas. Camille secouait avec appréhension et énergie sa tête blonde, où les frisures légères moussaient autour d'un ruban cerise. Son corps enfantin, droit et flexible, se raidissait de volonté sous les naïfs oripeaux de son demi-déguisement. Et Francine Dalien la contemplait. Francine, rêveuse, artiste, sentimentale, de vie intérieure exaltée et solitaire. Les mains croisées aux genoux, l'air calme, Francine se sentait l'âme vibrante, multiple et suspendue d'émotions, comme une forêt où soudain éclate un chant, une voix magique. Tous les échos de son être s'animaient, amour, regret, pitié, espoir, chimère. Et elle ne savait que dire. Que ferait-elle ? De sa main tremblante, comment toucher au destin qui passait ? Mais le laisserait-elle passer ainsi, toute proche, et si merveilleusement riche d'occasions, d'alternatives, de possibilités, sans saisir un pli de son vêtement rapide ? « Petite Camille, dit-elle doucement, ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Laisse-moi réfléchir. Mais en attendant, reviens poser, je veux réussir ce croquis. »